Chapitre 17e. La barbe du vieux poilu. Paulin Broquet s'en alla par les rues, mâchonnant sa cigarette, tête baissée et à grands pas. Il arriva chez lui et dîna rapidement, comme il faisait toujours, avalant sans prendre le temps de goûter seulement ce qu'on lui servait. Au café seulement, il se reconquit. On le lui servait toujours dans son cabinet de travail. Pendant que son valet de chambre, le fidèle Jules, un ancien agent, disposait la tasse et la cafetière sur une petite table volante, Paulin Broquet s'empara du téléphone. « Ma pipe, » appela-t-il. « Ma pipe, c'est toi ? Bon, arrive. Apporte-moi le paquet de lettres, vite, vite !» Paulin Broquet alors alluma un cigare, s'étendit sur son canapé et savoura en parfait gourmand son café dont il était extrêmement friand. Il semblait maintenant un tout autre homme. Quand ma pipe apparut, il le reçut joyeusement. « As-tu dîné ? Non ? Pas encore ? Tant pis, tu aurais pris une tasse de café avec moi. Il est excellent ce soir. » « Ce sera pour une autre fois, chef, je vous remercie. »« Bon, les papiers ?»« Les voici. C'est de la veine, chef, que je les ai gardés chez moi, le jour où on vous a enlevé la bague. »« C'est de la veine, oui, mon bon ma pipe. Il faut bien qu'on ait de temps en temps un peu de veine. Allons, va dîner. Et qu'on ne perde pas le cirque de vue. »« Non, chef, Simon et Lamorce y sont de consigne ce soir. »« Parfait. S'il y a quelque chose de nouveau, vite, un coup de téléphone. Je ne bouge pas d'ici. »« Oui, chef, bonsoir. » « Bonsoir, mon garçon. » Une fois seul, Paulin Broquet défit le paquet des lettres qu'il avait saisies chez le marquis et dont ma pipe avait bourré les poches de son habit. Consciencieusement, il se mit à les parcourir, à les lire, à les étudier. À vrai dire, Paulin Broquet éprouva une grande déception au cours de cette lecture. Ce n'était que lettres banales, mots de femme répondant « prends rendez-vous », s'excusant de ne pouvoir s'y rendre, ou en fixant un, de nombreuses demandes d'argent, des protestations d'amour éternel, jointes à l'envoi d'une facture de couturier en retard, la correspondance habituelle d'un garçon. Il y avait quelques lettres d'amis de cercle, de salles d'armes, des invitations, puis des demandes de secours, des tapages, des propositions de vente de tableaux, d'objets d'art, de meubles anciens, et quelques lettres de jeunes filles de province, d'aventurières, de femmes en quête d'époux, des offres de marieuses en tout genre, assurant au marquis qu'elles avaient trouvé pour lui l'âme sœur rêvée. Bref, ce qui se découvrirait chez tout vieux garçon parisien quelque peu connu, s'il ne prenait soin de prudemment brûler au fur et à mesure cette correspondance inutile et encombrante. Paulin Broquet se sentait de plus en plus déçu en poursuivant cette lecture insipide, car il eut le courage de lire jusqu'à la dernière lettre. Mais comme il rejetait la dernière enveloppe, il se dit « Un garçon, un parisien, même un hidalgo qui mène la vie à Paris, ne garde pas chez lui pareille correspondance. Il ne la serre pas surtout si précieusement dans un coffre-fort. » Aussitôt, il se demanda « Pourquoi ce gentleman a-t-il gardé tout cela ? Voyons, question de vanité à part. Pour montrer qu'il connaît beaucoup de petites femmes de théâtre, de restaurant, de nuit, qu'il les a obligées, qu'il en a l'amour éternel garanti sur facture, par gloriole, pour prouver qu'il y avait beaucoup d'aspirantes marquises. Non, ce serait ridicule, et d'une goujaterie sans nom. Ça ne se fait pas même au pays des Rastaquers. » Paulin Broquet se dit alors avec logique, « Il doit y avoir autre chose. Ces lettres sont probablement fausses, ou bien elles cachent un sens que je ne devine pas. Il faut voir. » Alors, avec une patience admirable, Paulin Broquet se mit à relire une seconde fois cette fastidieuse correspondance. Naturellement, il n'était pas sans connaître quelques-unes des femmes qui avaient signé certaines de ces lettres. Aux fautes d'orthographe, au papier, à l'écriture rudimentaire ou prétentieuse, il reconnut pour exact certaines missives. « Oui, celle-là est vraie, » disait-il. Sur ce papier armorié, frappé d'une couronne, c'est la femme de chambre, elle a ses brevets supérieurs, qui a écrit pour la maîtresse. Cette charmante mandataire qui mène à présent la vie de grande dame gardait les vaches il y a 6 ans. Elle a été depuis trop occupée pour parfaire son instruction. Celle-ci, je reconnais aussi l'écriture. On en a qualité d'exemplaire au palais. Elle est en procès avec tous ses fournisseurs. Celle-là qui écrit si grand, si bien, si à la grand siècle, a été élevée aux fauvettes. C'est une vraie sangbleue, dont le père, parfait gentilhomme, est une franche canaille. Ils ont été mêlés à plusieurs affaires d'escroquerie. Bref, du beau monde. Tout ça, pimpant, rutilant, faisant de la poussière, se retrouvant, s'assemblant, se valant. Oui, ces lettres, dont je reconnais les écritures, sont vraies, indéniables, vraies. Et Paulin Broquet se demanda encore, « Mais pourquoi ce Rasta les conserve-t-il ? » Tout en réfléchissant, en cherchant, il avait machinalement gardé dans la main une de ses dernières lettres. Par curiosité, l'idée lui vint de regarder la lettre par transparence à la lueur de la lampe électrique suspendue au plafond. Il ne vit rien. « Cependant, fit-il, pour les avoir conservées, il doit y avoir une raison majeure. Le chantage ? À part celle de cette jeune fille, et encore. Je ne vois pas que les autres soient susceptibles de fournir un sujet de chantage. Il y a autre chose, mais quoi ?» Il prit encore au hasard une lettre, la regarda comme il venait de le faire pour la première. Celle-ci non plus ne lui apprit rien de nouveau. Paulin Broquet était tenace. Quand une idée s'ancrait dans son cerveau, il allait jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il eût atteint la réussite ou acquis la certitude qu'il se trompait. En ce dernier cas, il abandonnait l'affaire avec autant de désinvolture qu'il mettait d'acharnement à la poursuivre. Ici, il n'en était encore qu'aux recherches. Il voulait savoir pourquoi ces lettres étaient conservées. Et il ne pouvait le demander qu'aux lettres elles-mêmes. Alors, par transparence, n'obtenant rien, il essaya, par réflexion, par incidence, en inclinant les lettres qu'il examinait sous divers angles. Il ne découvrit encore rien. Il alla prendre sa loupe la plus puissante et se mit à examiner le papier. Rien encore ne se montra. « Bizarre, bizarre !» fit-il. Puis tout à coup, se frappant le front, il s'écria. « Que je suis bête, je tourne autour et ne pense pas à ce qui seul peut exister. » Il se rendit dans son cabinet de toilette et prit un petit réchaud à alcool qu'il disposa sur son bureau. « Ces lettres, dit-il, doivent servir de véhicule, si je puis ainsi dire, à d'autres lettres. » Entre des lignes quelconques, dont la teneur importe peu, doivent se trouver des lignes importantes, qui ont mérité la conservation de ces missives diverses et en apparence absolument banales. Nous allons bien voir si je me trompe. Il prit une lettre et la passa au-dessus de la flamme de la lampe à alcool. Au bout de quelques secondes, il se mit à rire. Parbleu, voilà. L'encre sympathique n'a pas été inventée uniquement pour les amoureux. En effet, entre les signes de l'écriture visible, petit à petit apparaissaient des lignes brunes. « Voilà la lettre secrète !» s'écria le détective, heureux de la réussite de son entreprise. « La voilà !» Le stratagème était assez original. Le marquis de la Torre Alta se montrait un homme d'imagination et de prudence. Quand, comme lui, on est sujet à caution, on ne saurait prendre trop de mesures contre toute intervention judiciaire. Celle-ci était une des meilleures. Le marquis croyait, comme bien des gens encore, que le cabinet noir fonctionne toujours, qu'on lit les lettres adressées aux personnalités suspectes et qu'on se rend maître de leurs secrets, que c'est là un des moyens sur lesquels la justice et la police comptent le plus. En vérité, il n'en est rien. Quand la justice ou la police surprennent un secret, que celui à qui ce secret appartenait ou ses partenaires ont commis quelque imprudence et eux-mêmes l'ont livré. Mais le marquis de la Torre Alta partageait la croyance populaire et il prenait ses précautions contre toute indiscrétion policière. Pour cela, il gardait précieusement les lettres qu'on lui adressait, lettres dans le genre de celles que venait de parcourir Paulin Broquet, lettres de femmes, de fournisseurs, banales, insignifiantes, sans aucun sous-entendu. Il les remettait à ses complices. Ceux-ci maquillaient habilement la date, et l'imitation des écritures étant leur spécialité, refaisaient une enveloppe. La lettre était de nouveau expédiée au brillant marquis. Mais cette lettre contenait, entre les lignes visibles, des lignes d'écriture invisibles. À première vue, en ouvrant la lettre au cabinet noir, cette lettre à double contenu devait causer une déception aux policiers indiscrets. « Bêtise, stupidité !» fit en riant Paulin Broquet. « À vouloir être trop malin, on se roule soi-même. » En effet, ils ont écrit ces lignes à l'encre de cobalt invisible en réalité, dans les conditions de lecture habituelles. Ils les ont écrites avec une plume d'oie qui ne raye pas le papier, ne laisse aucune trace, aucune griffe, comme le fait la plume de fer. Tout ça, c'est très bien. Mais ce stratagème ingénieux pêche par la base même. Car pour ouvrir les lettres, si on les faisait passer au cabinet noir, on se servirait de la chaleur. De la chaleur. Or, cette encre sympathique apparaît immédiatement à la chaleur. Donc, en ouvrant les lettres, on aurait tout de suite lu les deux envois, le premier et celui qui se cachait sous l'apparente banalité. C'est une ruse d'enfant. Mais, Paulin Broquet, maintenant qu'il avait percé ce secret, entendait en profiter. Dans le cabinet noir qui lui servait pour ses opérations photographiques, il prépara un réactif chimique. Alors il fit chauffer chaque lettre, et quand l'écriture invisible apparaissait, il la plongeait dans la cuvette contenant ce réactif et l'écriture destinée à s'effacer quand le papier se refroidirait demeurait très nettement visible en brun. Ce travail demanda plusieurs heures à Paul Abroquet. Il s'y livrait encore quand Gabriel et Lamorce rentrèrent chez eux pour prendre quelque repos. Selon leur habitude, ils se rendirent d'abord chez le chef, à qui ils firent part des événements de la soirée. Événements sans aucune importance, déclarèrent-ils. Rien à signaler, chef. Rien au cirque, pas vu de marquis ou d'américain de chez Martins. Mais Seddon a eu son grand succès habituel. Elle était aussi jolie que de coutume. Fungotti aussi amusant. Et Rosa de la Huerte a un nouveau collier pour remplacer celui qu'on lui a pris. Oui, fit en riant Paul Abroquet. Ce vol est une bonne affaire pour elle. Puis il dit à ses lieutenants, étonné de voir un peu partout sur la table, les chaises à terre, des lettres qui séchaient. Quant à moi, j'ai fait ici du bon travail. Qu'est-ce qu'il vaudra par la suite? Nous le verrons. Il leur dit l'emploi de sa soirée et ce qu'il faisait pour les lettres. Nous allons les lire maintenant et les classer. Ces lettres contenaient beaucoup moins que ne l'espérait Paul Abroquet. Elles donnaient des rendez-vous. Jeudi, par exemple, 5 heures, où tu sais, ou bien préviens les autres pour dimanche. Mais deux ou trois contenaient un mot qui ne fut pas sans éveiller fortement l'attention de Paul Abroquet. J-O-N. J-O-N, répétèrent les lieutenants avec leur chef. J-O-N. Oui, et écrit en 3 lettres, J-O-N. Cela veut peut-être dire John, fit Gabriel, le nom anglais. Non, dit Paul Abroquet. Il n'en coûtait pas plus d'ajouter le H pour ce mot anglais. Donc, à mon sens, ce n'est pas cela. Ce J-O-N signifie autre chose. Mais il ajouta, ne nous attardons pas à trouver ce que signifie cette devinette. Voyons plus loin. Il prit d'autres lettres. Elles ne lui donnèrent aucune satisfaction, ne différant pas des précédentes et n'apportant pas le moindre éclaircissement. Une, cependant, au milieu de lignes d'amour et de protestations de fidélité éternelle, certainement depuis longtemps périmée, écrite en lettres fines à l'encre violette sur du papier légèrement mauve, montrait en brun seulement 3 lettres, comme la missive mystérieuse. Ces lettres, Paul Abroquet les épela pour ses lieutenants. B-A-L. Bâle, s'écria Gabriel. Encore un bal. Le fidèle Gabriel et Lamorce pensèrent aussitôt à l'affaire du collier de la baronne Brancambre que Zigomar devait subtiliser pendant un bal et dont Paul Abroquet si habilement s'était emparé. Gabriel ajouta. Est-ce qu'il recommence les mêmes coups? Ces gens manquent vraiment d'imagination. Encore une fois, Paul Abroquet l'arrêta. Il tourna la tête. Non, non, mes amis, ce ne doit pas être cela. Ces 3 lettres, B-A-L, ne signifient nullement bal. Comme les 3 lettres J-O-N, elles ont une toute autre signification. Et ces 2 missives auraient entre elles une forte corrélation, signifieraient à peu près la même chose, que cela ne m'étonnerait pas outre mesure. Il réfléchit un instant avant de reprendre le dépouillement de cette singulière correspondance. Puis tout à coup, il éclata de rire. « Vraiment, nous ne volons parfois pas mieux que des enfants devant un rébus de journal d'écolier. » Avec le plus grand intérêt, ses lieutenants l'écoutaient. « Mes amis, vous souvenez-vous qu'après l'effondrement de la Barbotière, les Zigomars ont eu pour repère le grenier de Zulma ?»« Parfaitement, chef. » Après l'explosion du grenier de Zulma, les aides, un moment désemparés, flottèrent. Ils trouvèrent aussi que le débit des enfants de l'Aveyron n'était plus suffisamment ni assez sûr. Oui, chef, ils se méfiaient. Ils cherchaient une autre Barbotière. Ils la trouvèrent. Peut-être n'avez-vous pas oublié qu'à ce moment il fut question parmi eux d'un repère nouveau. Une merveille, affirma-t-il, qui se trouvait sur la rive gauche, dans le voisinage des Gobelins, près de la barrière d'Italie. En effet, chef, oui, s'écrièrent Gabriel et Lamorce. Bon, cette nouvelle Barbotière est le repère. Le Goumgorge, de la rue Jonas. Rue Jonas, parfaitement. Vous voyez ce que signifient ces 3 lettres, J-O-N, Jonas. Et cet antre de terrible réputation qu'est l'établissement du père Fricard a pour enseigne, naturellement dans cette rue Jonas, à la baleine. Nous encore les 3 lettres, B-A-L, baleine. Et voilà, conclut Paul Abroquet, pas plus difficile. Il fallait seulement y penser. Comme vous, chef. Et c'était tout simple ensuite. Donc, c'est au repère de la rue Jonas à la baleine, chez le père Fricard, qu'on donnait rendez-vous à ce parfait gentilhomme, à ce brillant marquis del Mancano de la Torre Alta. Et Paul Abroquet conclut, rangeant les 2 lettres dont le secret maintenant était percé. Nous irons voir ça un de ces soirs prochains. Oui, chef. Paul Abroquet parcourut d'autres lettres. Il retrouva encore les 3 lettres J-O-N et B-A-L. avec des désignations de jours, de dates, mais rien de plus. Jour et date, depuis longtemps passé, n'avaient plus pour lui aucune valeur. Cependant, dans les dernières lettres, une plus que toutes les autres attira son attention. Elle le méritait d'ailleurs. Cette lettre disait « Urgence dans la barbe du vieux poilu ».